Et chaque fois que je me dis, il faudrait bien que je fasse une conférence sur l'importance de la musique ou sur les dangers de la musique, je me dis en même temps que la question, la réponse serait peut-être trop dramatique pour la faire en conférence. Du moins en conférence régulière. Est-ce que la musique est une forme de collectivisme et quelle forme a-t-elle sur l'être nouveau? Disons que ce soir, je vais me contenter pour l'instant de laisser la question répondre de par elle-même, parce qu'elle est posée d'une façon intelligente, ce qui fait qu'elle donne la réponse. Et si on a le temps, on pourra revenir sur la musique. Est-ce que la conscience collective non contrôlée par notre subconscient, comment nous libérer de nos mauvaises habitudes ancrées dans le subconscient individuel? Est-ce que la conscience collective nous contrôle par notre subconscient? Quand c'est trop bien écrit, il lit mal, c'est pour ça. Bon. Tout à l'heure, j'ai expliqué que le phénomène subconscient, le phénomène de l'inconscient, le phénomène du superconscient, du surconscient, bref, tout ce qui est conscient, mais que vous n'avez pas votre conscience, ce n'est pas à l'intérieur de cela qu'il faut fouiller et ce n'est pas à l'intérieur du passé qu'on va découvrir comment se libérer du passé. Donc, ce n'est pas à l'intérieur, en fouillant dans nos habitudes, qu'on va apprendre à se libérer de nos habitudes. Je ne demande même pas à l'homme de prendre conscience qu'il agit d'une façon habituelle, programmée. Est-ce que c'est nécessaire que vous preniez conscience que vous avez l'habitude de manger du beurre de peanuts sur dans vos céréales tous les matins pour prendre conscience que c'est une habitude? Non. Si vous devenez vivant à un moment donné, si vous êtes vous-même, instantanément, vous ne le ferez pas. Ou vous le ferez. Mais ça ne sera pas une habitude parce que vous allez être conscient de ce que vous faites. L'habitude, elle se définit comment? L'habitude, ce n'est pas la répétition d'une même chose. L'habitude, c'est la répétition inconsciente d'une même chose. Si vous répétez consciemment les mêmes choses, ce ne sont pas des habitudes. Si vous les répétez sans même vous en rendre compte ou sans avoir à mettre de l'énergie de conscience pour le faire, c'est une habitude. Alors, est-ce que les habitudes sont nécessairement néfastes à l'homme? Non. L'habitude que vous avez de conduire une automobile vous permet de pouvoir vous libérer de cette conduite et de vaquer à d'autres occupations au niveau mental ou au niveau psychologique. Donc, l'habitude est bonne. L'habitude que vous avez de manger sans vous en rendre compte, elle peut être néfaste étant donné que vous ne pouvez pas dissocier les particules que vous absorbez, la nourriture que vous mangez, qui est toxique ou non, c'est-à-dire qui est plus ou moins toxique ou plus ou moins saine. Étant donné que vous mangez sans prendre conscience de ce que vous mangez, vous ne pouvez pas savoir. Je connais des personnes, moi, qui mangent, et puis après la 8e ou 9e bouchée, se rendent compte que c'est pas bon. La personne, elle met du lait caillé dans son bol de céréales, elle en mange un peu, elle jase avec l'autre, et à un moment donné, elle se finit par se rendre compte que c'est pas bon. Là, elle regoute un peu, le crème y est caillé, ça fait 8-9 bouchées qu'elle prend. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle mange, donc elle mangeait en habitude. Ça, c'est mauvais. Parce qu'il y a des dangers. La conscience collective nous manipule-t-elle par le subconscient? Mais on s'en fout! Demandez ça au psychologue! Demandez ça à ceux qui ramassent des statistiques pour pouvoir savoir. Parce qu'ils sont pas capables de savoir instantanément. Et donc, ils doivent connaître en amassant des statistiques. Et là, ils vous diront si la conscience collective. Vous savez, à un moment donné, on a parlé des messages subliminaux. Et on a dit, c'est dangereux, on peut manipuler l'homme en maudit avec les messages subliminaux. Et aujourd'hui, statistiques avec le psychologue publicitaire se rend presque compte qu'en fin de compte, ça marche presque pas, les messages subliminaux. Il faut des statistiques. Lorsque l'homme veut savoir si son subconscient, si c'est par sa mémoire, c'est évident que c'est par la mémoire. Celui qui n'a aucune mémoire de rien. Vous rentrez en Russie, puis on passe un commercial sur on ne sait pas quoi, en russe. Ben, vous n'allez pas l'acheter, hein? Vous auriez compris. Pourquoi? Parce que vos mémoires ne sont pas manipulables en affinité avec ce qui se passe comme commercial, ce qui fait que ça ne donne rien. Vous devrez apprendre le russe. Vous devrez apprendre à connaître les choses, vous devrez vibrer les besoins de la place, vous devrez finir par savoir qu'est-ce qui vous permet, lorsque vous le procurez, d'être bien vu, d'être mal vu, donc ce qui serait à fuir, d'être ceci, d'être cela, et puis là, lentement, vous allez commencer à être manipulé par la conscience collective, qui va donc permettre à un psychologue publicitaire de dire « faites ceci, la masse va suivre ». Toutes les campagnes politiques sont faites en fonction de la masse. Toutes les formes de vente publicitaire sont faites en fonction de la conscience collective de l'homme. Sinon, s'il y a 6 millions de Québécois, il faudrait qu'il y ait 6 millions de formes de commerciaux pour vendre le même produit. L'homme étant collectif, ben on ramasse les barèmes et puis on peut placer ça là. Et là, on ramasse au moins la masse. On a un public cible, c'est ce qu'il faut viser. Le public cible, c'est quoi? C'est celui qui est collectivisé par les mêmes barèmes. La jeunesse n'a pas le même barème de collectiviste que les personnes d'âge mûr. Alors, la jeunesse, dernièrement, je regardais une annonce de bière, mais c'est de la vraie. En tout cas, c'est vraiment, c'est débile. C'était dans une revue qui s'appelle Crocs. Comme collectiviste, les revues sont assez intéressantes. Et il y en a une annonce où on voit un paquet de jeunes qui ont toutes leurs bouteilles de bière à la main. Et il y en a deux en avant-plan qui sont comme ça. Tu l'as pas, c'est pas correct. Ça fait pas partie des jeunes qui vivent, qui ont le goût de vivre. Parce qu'ils sont tous souriants, tous bien habillés, tous riches. Il y a des belles filles, des beaux gars. Ils sont tous bien placés, avec leurs bouteilles de bière en haut, tous souriants. Là, c'est réellement le bonheur, ça vibre dans la photo. Mais il y en a deux en avant, une fille et un gars, visons les deux publics, qui sont comme ça. Et en plus, il n'y a pas de bouteilles, ils sont comme ça. Les deux en avant. Il pointe le jeune qui, de toute façon, voulant être collectif, voulant être heureux, voulant être jeune, voulant être dans la gang. Bien évidemment, le problème, c'est ça. Tu rentres pas dans la gang, c'est pas ta bouteille. Et ça marche. C'est un public cible. On ne visera pas les personnes d'âge mûr comme ça. Les personnes d'âge mûr veulent être des personnes assises. Des personnes qui font des choses, mais qui sont relaxes, qui contrôlent leur vie. Alors, eux autres, on veut leur vendre la bière d'une autre façon. C'est ça les barèmes, le collectivisme. Alors, de quelle façon se libérer de nos habitudes? C'est pas compliqué, merde, commencez à vivre. Vous vous asseyez, sachez que vous vous asseyez. Vous vous levez, sachez que vous vous levez. Vous vous couchez, sachez que vous vous couchez. Vous parlez à quelqu'un, sachez que vous parlez à quelqu'un. Automatiquement, si vous commencez en colère, sachez que vous commencez en colère. Et vous ne serez plus en colère. Vous avez peur, sachez que vous avez peur. Le fait de l'exprimer n'est pas une prise de conscience. Personne qui se suicide, elle l'exprime, mais elle ne sait pas qu'elle se suicide. La personne qui fait un vol l'exprime, elle ne sait pas ce qu'elle fait. La personne qui à un moment donné, se met à fumer, la personne qui prend des pilules pour se suicider, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si elle en prend conscience, elle se voit faire, consciemment, mais c'est réglé. Pourquoi? Parce qu'elle devient vivante. Alors, tout le bagage mémoriel qui l'écrase et qui l'amène à la dépression tombe. Elle ne peut plus souffrir. Elle oublie. Elle oublie le passé. Elle vit le présent. Elle vit la vie. Mm-hmm. Tout de la vie que l'on connaît, ou presque, est de l'astral. L'évolution de l'ego, ça commence par le collectif et se dirige vers l'individualisation. Est-ce que le programme Maître Contrôleur est un moyen d'apprendre à gérer ses énergies? Bon, un jour, j'aimerais qu'on arrive à me poser des questions intelligentes sur le PMC. Une question intelligente, c'est lorsque ça me permet de pouvoir répondre. Tout de la vie que l'on connaît, ou presque, est de l'astral. L'astral, bon, l'évolution de l'ego commence par le collectif et se dirige vers l'individualisation. Le programme être contrôleur est-il le moyen d'apprendre à gérer ses énergies? Le programme être contrôleur le dit lui-même, programme maître contrôleur, donc la personne doit arriver à être son seul maître. Individuellement dans sa conscience, dans son intelligence, en relation avec son ajusteur de pensée, c'est-à-dire avec elle, pour pouvoir enfin exprimer son esprit. Ça veut dire quoi? Alors, on va se servir de la question pour pouvoir s'amuser. Une nation, c'est un pays. C'est un égrégore, c'est-à-dire que c'est une morale construite à partir du bon vouloir de chacun des citoyens. Chaque citoyen doit apprendre à l'école à vénérer sa nation, à vénérer son drapeau. Aujourd'hui, on le fait un peu moins, mais beaucoup, vous avez vécu ce genre de choses. Alors, lentement, on apprend, lorsqu'on colonise un pays, par exemple, on va montrer aux Africains à parler le français ou à parler l'anglais, à devenir belge. Donc, on aura le Congo belge, on aura l'Algérie française, on aura les îles britanniques, on aura... Bon, bref, on doit obliger la personne à vibrer, à devenir, à créer la nation. Or, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on instruit chacun des humains. On va faire mieux que ça. Lorsque vous êtes venu au monde, on s'est servi de vous. On vous a manipulé. On s'est servi de vous carrément pour deux choses. On s'est servi de vous, premièrement, pour nourrir ce qui un jour vous manipulerait. On s'est servi de vous pour nourrir ce qui vous embête. On s'est servi de vous en même temps pour nourrir ce qui va vous supporter tout le temps où vous ne serez pas capable de vous supporter vous-même. C'est-à-dire qu'on s'est servi de vous pour créer le train d'atterrissage du Boeing, étant donné que vous avez besoin de ce train d'atterrissage pour pouvoir rouler au sol bien terrestrifié. Sauf que l'instant où vous voulez décoller, vous rentrez vos trains d'atterrissage et ça laisse dans le feeling mémoriel de tous ceux qui restent au sol l'idée que vous n'avez plus de train d'atterrissage. Alors tout le monde pense qu'en éliminant les trains d'atterrissage, ils vont devenir des dieux comme vous qui venez maintenant de décoller. Alors les humains au sol ferment leur train d'atterrissage, les Boeing s'écrasent sur la piste, puis peuvent plus décoller, peuvent plus bouger, c'est fini. On doit prendre des grues, on doit les ressoulever, on appelle ça les sorties d'une dépression, alors on met des médicaments, on les amène chez le psychologue, on les amène chez le prêtre, chez l'exorciseur, on doit leur amener des choses parce qu'ils ne peuvent pas se relever d'eux-mêmes. On les envoie dans des asiles ou on les rentre dans des sectes. Lorsque l'être humain est venu au monde, on lui a donné un nom. C'est-à-dire qu'on a sorti le corps et on a dit « ça c'est un être humain ». Et puis, on a dit, cet être humain porte tel nom. Alors, il s'appelle Daniel, ou il s'appelle Pierre, ou il s'appelle n'importe quoi. Et souvent, on donne même le nom avant qu'il naisse. Alors, on ne veut même pas avoir la consonance vibratoire de son corps. On ne veut même pas lire un peu de la personnalité instinctive ou espritisée qui sort de l'enfant. On le baptise même souvent avant. C'est-à-dire qu'on donne le nom avant. On le prédétermine, on le prénomme. Pourquoi on appelle cela prénom? Parce qu'il est prénommé, parce que le nom, c'est le nom de famille. Celui qui collectivise l'enfant à être assujetti à sa lignée familiale, donc à sa descendance génétique. Alors moi, c'est Kem. Si tout le monde m'appelle « Hey, Kem, viens ici », il parle Kem, c'est la famille, je ne peux pas être individuel. Alors on donne un nom à l'enfant. On le prénomme. On le prénomme pourquoi? Pour l'obliger à devoir se connecter à un égrégore particulier, c'est-à-dire à un ciel. S'il est chinois, il se plug au ciel chinois. S'il est bouddhiste, au ciel bouddhiste. S'il est chrétien, au paradis, au ciel judéo-chrétien. On le nomme. Pourquoi on le nomme? Pour la simple raison qu'on l'assujettit à une manipulation collective qui fait partie du plan d'évolution de l'humanité et qui, en même temps, ce plan d'évolution est celui sur lequel va être sous-tendu le plan d'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que l'être humain a une fonction particulière dans l'univers et ce n'est pas celle de se sauver. L'être humain n'a pas comme fonction de se sauver. L'être humain a comme fonction de sauver la création. Alors l'être humain bâtard s'imagine que c'est une vraie farce, mais de toute façon, ça ne change rien. L'être humain n'étant pas celui qui régit son évolution, parce que l'homme n'évolue pas à son gré. L'homme évolue malgré lui. Hein? L'homme se frappe contre des leçons. L'homme se frappe contre des karmas. L'homme tombe un jour sur un livre qui le transforme. L'homme un jour se fait prêter une cassette de mes conférences ou d'une conférence d'un autre. L'homme un jour perd ses parents, perd sa femme, son enfant, son mari. L'homme évolue malgré lui. L'homme ne gère pas son évolution. Parce que ça ferait longtemps que l'homme serait dans un paradis, ça m'a disait, un paradis dans le monde des morts, dans le ciel. L'homme aurait fui, l'homme aurait abandonné. Alors ce qui arrive, c'est qu'on donne un nom. Pourquoi? Parce que par le nom, automatiquement, la personne, elle est reliée mémoriellement à toute la tradition. Pourquoi dans le domaine catholique, donnons-nous des noms catholiques? Pierre, Daniel, Marie. On a une panoplie de noms qui sont typiques de cette tradition judéo-chrétienne. Alors les Juifs ont des noms juifs, mais des noms qu'on retrouve dans la tradition juive. Les Chinois ont des noms qu'on retrouve dans la tradition chinoise. Et on a toujours des noms qui viennent du passé, mais on n'est pas capable de bâtir un nom neuf. Les seuls sur la planète, ils ont d'ailleurs été détruits, parce que c'était normal que cela soit, étaient les Amérindiens qui se donnaient des noms au fur et à mesure de la perception énergétique. Alors même si c'était nuage hurlant, ça fitait avec la personne. Tandis que le nom, on le donne comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, le nom? Le nom, ça fait ceci. Ça fait que toute la religion catholique romaine, si vous avez un nom catholique romain, toute la religion juive, si vous avez un nom juif, toute la religion, quelle qu'elle soit, elle peut maintenant s'abreuver sur votre dos. C'est-à-dire que l'égrégore, la représentation, c'est important de comprendre les nuances, la représentation créée par l'homme de la réalité, parce que l'homme ne peut pas connaître Dieu, alors l'homme le recrée le Dieu. L'homme ne peut pas connaître ce que c'est que l'esprit, l'homme le recrée l'esprit. La reproduction de ce qu'est la réalité, placée dans nos souvenirs, dans notre tradition, dans le monde des morts, dans le ciel, c'est tout ce qui a été recréé par l'homme va maintenant pouvoir donner le nom à l'homme. Alors tu vas t'appeler Thomas. Alors tu vas t'appeler un nom qui a une grande lignée collective dans le passé. Et chaque fois qu'on va prononcer ton nom, automatiquement, on te collectivise, on te force à devenir cette chose. Alors l'homme va dire, oui, mais j'ai quand même un libre arbitre. Oui, Mais chaque fois qu'on attaque les Thomas, par exemple, si la personne s'appelle Thomas, elle se sent visée. Et c'est normal, elle est collectivisée par ce nom. Alors, on enseigne à l'être humain à prier. Le Nazaréen passe sa planète, il a dit à l'homme, je vais vous montrer comment prier. Ça fait plusieurs fois que ça me vibre de remontrer à l'homme comment prier, parce que oh, ça change les choses. Alors, le Nazaréen a montré à l'homme, il a dit notre Père qui est aux cieux, alors qu'on devrait dire maintenant notre Père qui est, parce que le passé c'est autre chose. Que votre nom soit sanctifié, ton nom est. Le nom, c'est la clé vibratoire qui permet à un être humain qui a la parole de contrôler les choses. C'est le verbe. Le nom, c'est la première consonance vibratoire du verbe. Et c'est pourquoi on nomme les choses. Mais l'homme n'a pas de contrôle sur sa voix, ce qui fait qu'automatiquement, il n'a pas de verbe. Lorsque une personne reçoit un nom, automatiquement, elle peut s'en servir pour prier. Mais qu'est-ce que l'homme fait pour prier? L'homme parle au nom de Dieu, l'homme prie, l'homme demande, l'homme remercie, mais jamais l'homme ne se sert de la clé. Jamais l'homme ne se sert de son nom. Parce que si l'homme se sert de son nom, il puise automatiquement dans le ciel, alors automatiquement, il a réponse à ce qu'il demande. Tandis que l'homme, collectivement, éduqué par les égrégores manipulatifs de n'importe quel genre d'évolution spirituelle, qui sont extrêmement bonnes jusqu'à un point de vue, jusqu'à un niveau d'évolution, l'homme ne fait que nourrir le ciel, tandis que l'homme ne se sert jamais de ce qu'il place dans le ciel. Ramasser des trésors au ciel, plutôt que de les ramasser sur la terre. Parce que dans le ciel, les vers et la corrosion ne peuvent pas attaquer les trésors placés dans le ciel. Tandis que, au sol, les voleurs et les vers peuvent venir chercher les trésors. Qu'est-ce que c'est que d'amasser un trésor au ciel? Se faire une place dans le ciel? Non, absolument pas. Le Nazaréen, lorsqu'il passe sa planète, il a ouvert les portes du ciel pour permettre à l'homme de pouvoir sortir du ciel. Pas pour rentrer. Il a libéré l'homme de la traîne, de l'attraction du monde des morts. Et à par la suite, l'homme, sauvé, si l'on peut dire, avait maintenant accès au savoir instantané, donc à l'espritisation de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est de mettre des trésors dans le ciel? Ben, c'est normal de mettre des trésors dans le monde des morts, de mettre des trésors dans la mémoire. Alors, chaque personne qui a un nom peut maintenant prier le ciel, et lorsqu'il prie le ciel, lorsqu'il adore, lorsqu'il se spiritualise, il crée, il nourrit ce ciel, cet égrégore, et il met donc du trésor dans le ciel. Lorsqu'un jour il lui en manque parce qu'il est malade, parce qu'il est bas, parce qu'il est terrestrifié, down, parce qu'à un moment donné ça va plus, là c'est le temps maintenant d'aller chercher ce qui était mis dans le ciel pour le réappliquer sur le plan planétaire de façon à pouvoir s'en servir tout de suite. Parce que le trésor placé au ciel n'a jamais été altéré. Il n'est pas altérable pour la simple raison que personne, s'il n'a pas votre clé, ne peut aller le chercher. Le problème fondamental, c'est qu'étant donné que chacun, vous avez des noms collectifs, c'est-à-dire que votre nom est porté par plusieurs personnes, si un jour vous avez la clé et que vous allez chercher cette énergie dans le ciel, vous allez en même temps prendre le trésor des autres. Parce que c'est la même clé, c'est le nom. De quelle façon on collectivise l'homme? On collectivise l'homme en lui disant « Nourris l'égrégore, nourris le ciel, nourris la religion, nourris cette chose. » Et lorsque tu auras un problème, demande à cette chose. Mais savez-vous pourquoi lorsque l'homme prie, ça ne marche pas? Pour la simple raison que l'homme, lorsqu'il demande, donne. Et lorsque l'homme veut donner, il donne aussi. Alors, automatiquement, l'homme doit passer par un médium, une personne qui va interférer en son nom auprès de Dieu. Ça s'appelle le prêtre. Alors, le prêtre peut dire, oui, mon frère Daniel, au nom de Dieu, je te pardonne. Lui emploie la clé, mon frère Daniel. Alors, je reçois de l'énergie. Je n'en donne plus. Alors, si je veux guérir quelqu'un, je vais dire, au nom de Dieu, je te guéris, frère. Ou Daniel, ou Thomas, ou ce qu'on voudra. Par exemple, il y a des personnes ici dans la salle là, qui ont des problèmes de santé. Alors, on peut les guérir en puisant là où on a mis de l'énergie depuis 2000 ans, où on accumule de l'énergie dans le ciel, de ce trésor qui un jour servira l'homme. Lorsque l'homme aura la clé pour aller le chercher. Alors, le prêtre qui maintenant peut intercéder auprès de Dieu se sert de votre nom. S'il ne se sert pas de votre nom, il place de l'énergie, il place la vôtre aussi, on la met en banque, là où jamais personne ne peut la voler. Celui qui un jour a la clé ne la vole pas, il se sert de l'énergie placée là. Exactement comme si vous enterrez continuellement votre argent. Et un jour vous mourrez, l'argent sert à qui? Personne. Alors un jour quelqu'un passe, déterre, trouve l'argent, est-ce qu'il la vole? Non. Parce que l'argent étant de l'énergie, elle doit servir le vivant et non pas le mort. Tout ce qui est placé dans le ciel est là de façon collective. C'est-à-dire que c'est là pour servir l'humain. Mais tant que l'humain n'a pas la faculté clé d'aller se servir de cette énergie. Alors, continuellement, il reste assujetti à une conscience collective. Vous avez des noms, et lorsque l'on prononce votre nom, on nourrit. Lorsque vous vous choquez, on nourrit. Lorsque vous priez, vous nourrissez. Lorsque vous demandez, vous nourrissez. Vous n'avez pas la clé, pour la simple raison qu'à l'époque, là où on a instruit l'homme de ses noms, parce qu'on a toujours parlé traditionnellement, mais le Nazaréen, lorsqu'il est passé, il a pris un bonhomme et il a dit « Je te baptise, un tel ». Il n'a pas pris les noms de la tradition, il a créé des nouveaux noms pour désassujettir ses apôtres de toute la tradition archaïque du passé. Il les a décollectivisés. Alors toi, tu t'appelles un tel, tu porteras le nom d'eux. Il les a baptisés. Sauf que l'homme, au lieu de baptiser maintenant comme le Nazaréen l'a fait, baptise avec les noms du passé. Alors on n'en sort pas. On reste collectif. Le Nazaréen a baptisé pourquoi? Pour décollectiviser l'humain, les apôtres. Et les apôtres décollectivisés sont maintenant et ont pu se déconnecter de la tradition collective. Et là, maintenant, ils ont pu être réceptifs à la nouveauté du Nazaréen. Sinon, ça n'aurait rien fait. Il n'a pas baptisé les pharisiens. Et les pharisiens ne comprenaient pas. Il n'a pas baptisé personne d'autre que ceux qui ont compris. Pourquoi, à l'époque, le Nazaréen et pourquoi la tradition a-t-elle dit « Faites-vous baptiser si vous voulez être sauvés ». Lorsque vous êtes baptisé, l'Esprit Saint descend sur vous. Ça descend pas comme ça. C'est pas une colombe qui vient s'écraser sur vous comme les pigeons le font ses statues. Ce qui arrive simplement, c'est que lorsque l'être humain est baptisé, et là, lorsqu'il porte un nouveau nom, pas un nom traditionnel collectif, lorsqu'il porte un nouveau nom, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il se désassujettit, pas instantanément, mais progressivement, de la manipulation traditionnelle collective. Alors, automatiquement, il a la faculté de devenir un peu plus lui. Lorsqu'il devient un peu plus lui, il peut se brancher à l'intelligence active, l'énergie supramentale, antiquement appelée l'Esprit Saint, l'Esprit pur. Non coloré par l'ego de l'homme, ou encore non coloré par la tradition de l'homme. L'homme a une tradition de ce que c'est l'esprit. Lorsque l'esprit se présente, l'esprit, il ne passe pas. Il ne peut pas passer. Pourquoi qu'il ne peut pas passer? Parce que la tradition compare le vivant, l'esprit réel, à ce que l'homme a réussi à comprendre de l'esprit dans le passé. Puis là, il se dit, crime, c'est pas l'esprit. Dans l'Antiquité, ils n'ont pas tout compris. Alors, si on se sert de ce qu'ils ont compris pour comprendre, on ne comprend plus. Je répète que la tradition, le train d'atterrissage de l'avion, il est utile au sol. Lorsque l'homme décolle, le train doit rentrer dans l'avion, parce que sinon l'avion s'écrase. Ça crée des perturbations atmosphériques, ça crée des perturbations mécaniques, prévisibles, et si l'avion se sent sécure avec le train sorti, si je vole avec mon avion, le train est toujours sorti, essayez ça avec un Boeing ou avec un avion de chasse, tout ce qui a de la puissance, le train d'atterrissage sorti, s'écrase. Alors même si c'est sécurisant pour le pilote d'avoir les roues sorties, il faut qu'il rentre. Quand il se sera prêt d'aller de l'atterrir, parce qu'il aura besoin de faire le plein, parce qu'il aura besoin de revenir au sol, de se reposer, de faire un check-up, mais là, il faut qu'il ressorte la tradition. La tradition va le supporter, mais avec un plaisir immense. L'homme est collectif par différents mécaniques. Sauf que l'évolution de l'humanité a toujours été archétypée, basée sur des traditions mémorielles qui permettaient à l'être humain d'être collectivisé pour la simple raison que c'est beaucoup plus facile de diriger un troupeau que de diriger des individus séparés. Dans l'Antiquité comme aujourd'hui, c'est essentiel que l'homme soit collectif. Sauf que dans la tête de beaucoup d'entre vous, c'est maintenant le temps de ne plus être collectif. Le temps est maintenant venu de commencer à être individuel. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous permettre le luxe d'être individuel lorsque vous avez l'intelligence de comprendre la société. On peut se payer le luxe d'être individuel lorsqu'on a l'intelligence de comprendre le travail en groupe. Celui qui devient individuel parce qu'il renie tout, il est collectif. Il y en a plein qui font ça. Ils font ça, ils ont le même barème, ils sont collectifs. Une autre forme de collectivisé. Ils sont collectifs. Celui qui, à un moment donné, comprend qu'il doit penser de par lui-même, qu'il doit travailler dans lui-même, en fonction de lui-même, et comme il vit dans un cadre écologique, la fonction de lui-même est automatiquement régie par la fonction des autres, saura automatiquement travailler pour les autres. Mais il n'est pas collectif. Il est individuel. Il y a énormément de facettes du mensonge cosmique qui ont été amenées à l'homme. La religion, à un moment donné, a caché les clés pour ne pas que l'homme se serve des clés pour puiser dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel n'était pas assez puissant pour supporter l'évolution de l'homme, alors on a caché les clés. Tant et si bien qu'on les a perdues, les clés. Alors maintenant, l'homme est voué pour l'instant à nourrir le ciel sans jamais être servile par le ciel. Oh, de temps en temps, le ciel fait apparaître une forme qui peut s'appeler Marie, qui peut s'appeler soucoupe volante, qui peut s'appeler machin chouette, dépendant des religions. Et c'est de l'énergie qui vient maintenant raviver la foi des fidèles pour que les fidèles continuent à nourrir. Et vous pouvez nourrir, c'est intelligent de nourrir, il le faut. Mais sachez une chose, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir vous servir de cette énergie. J'ai déjà dit, je le répète de temps en temps en séminaire, lorsque le Nazaréen a montré à l'homme à prier, il a fini sa prière avec « Amen », qui veut dire « Ainsi soit-il ». Ça peut presque vouloir dire « Amen ». Ça veut dire « Ainsi soit-il », donc qu'il en soit ainsi. C'est pas une marque d'espoir, c'est un ordre. Lorsque le Nazaréen dit « Ne demandez pas en votre nom », le nom de l'ego, que je vais avoir plus d'argent que l'autre, c'est de l'ego, ça marche pas. Je vais être plus riche, je vais être en meilleure santé. Pourquoi? C'est une raison de vouloir être en santé. Alors le Nazaréen, lorsqu'on lui disait « Guéris-moi, maître », il disait pas « Oui, tiens, va-t'en, bonne publicité ». Il posait des questions à la personne, il jasait avec la personne. « Un instant, mais tu m'auras pas comme ça. Tu vas devoir acheter. » Et lorsqu'une personne voulait avoir tout le trésor du ciel, le Nazaréen devait lui dire « Rentre ton train d'atterrissage, mon bonhomme ou ma bonne femme, et t'auras le trésor d'en haut. » Rentre ton train d'atterrissage. Prends tout ce que t'as, vends-les. Débarrasse-toi du passé. Change de peau. Et t'auras les trésors des cieux. T'auras l'intelligence instantanée. Tu sauras. Mais étant donné que les personnes de l'époque, comme encore d'aujourd'hui, n'étaient pas capables d'accepter de laisser la tradition. Lorsqu'on lui demandait « Qui es-tu? » Ben, il répondait par la tradition. Il répondait à du monde qui a besoin de la tradition. Mais lorsqu'il enseignait à ses apôtres, ou lorsqu'il enseignait à ceux qui venaient l'écouter, jamais il ne parlait de la tradition. Il amenait du neuf. Sermon sur la montagne a été écrit après qu'il l'ait prononcé. Il ne l'a jamais lu avant. Et les pharisiens disaient, « Oui, mais il blasphème, c'est un blasphémateur. » Pourquoi? Parce qu'il ne répète pas la tradition. Ben oui, il était blasphémateur. Au nom, aux yeux de l'homme. Aux yeux de l'homme ancien, aux yeux de celui qui a toujours pensé comme l'humanité a toujours pensé, aux yeux de celui qui ne veut pas penser différemment. Neuf. Il y a différentes facettes de la collectivisation. Est-ce que c'est dangereux d'être collectif? Non, si on le sait. Et le sachant, on devient individuel. Devenant individuel, on apprend à se servir de tout ce qui a été placé par l'homme dans le ciel ou dans tout autre monde parallèle. On apprend à s'en servir. C'est pas le temps que l'homme s'en serve, ça va venir le temps où l'homme pourra s'en servir. Mais ça ne vous empêche pas, vous, à un moment donné, de cesser de perdre de l'énergie et de cesser de rester collectif. Pour la simple raison que chaque fois que vous êtes collectif, votre énergie, elle est dilapidée dans la masse. Mettez-vous en colère, vous êtes collectif. Soyez gêné, vous êtes collectif. Soyez honteux, vous êtes collectif. Sentez-vous coupable, vous êtes collectif. Ayez peur, vous êtes collectif. Soyez pas sûr, vous êtes collectif. Demandez l'opinion, vous êtes collectif. Référez-vous, vous êtes collectif. Quand une personne fait des conférences, pourquoi moi, quand je fais des conférences, ça traumatise beaucoup de personnes? Pas plus, pas parce que je dis, un peu, pas tellement. Surtout par le fait que jamais je ne cite autrui. Je ne dis pas Platon a dit. Je ne dis pas Homère a dit. Je ne dis rien, je ne cite personne. Alors là, ça fait chier, celui qui écoute. Là, il se sent mal. Là, il se dit pour qui il se prend. Platon, est-ce qu'il se citait? Alors moi, je ne me cite pas. Pour la simple raison que je parle en mon nom. Je me supporte. Si ce que je dis ne va pas, je m'en fous. Si ce que je dis va, je m'en fous. Si ce que je dis est vrai, je m'en fous. Si ce que je dis est faux, je m'en fous. Une chose certaine, c'est que moi, je suis dans mon intelligence et je sais où je vais. Tandis que tous ceux qui sont dans l'intelligence collective ne savent pas où ils vont. Alors, ils doivent regarder où l'ensemble va pour avoir une idée où ils vont se ramasser. Où c'est que la société va, crime, dans 20 ans, on va se ramasser où? Non, moi, je ne regarde pas où c'est que la société va. Je sais où je m'en vais, moi. Mais l'homme, non, se réfère à la masse. Le collectivisme, parfait. Observez, sachez, et apprenez à vous supporter, apprenez à vous regarder entre les deux yeux, apprenez à être capable d'être vous autres plutôt que de toujours vouloir être les autres. Comment on veut être les autres lorsqu'on veut être accepté par les autres? On se doit de devenir comme les autres. Alors on est mort. On n'est plus vivant. Comment distinguer la conscience individuelle collective égoïque de la vraie conscience individuelle? Marginalité égale quoi? Non-conformiste égale quoi? Faut-il faire un ménage complet pour être soi? Je répète toujours qu'on fonctionne à partir de la mémoire. Pourquoi faire un ménage, éliminer les mémoires? Comment on fait un ménage de mémoire? pas en oubliant, vivez, vivez, c'est tout, vivez. Vivez instantanément, vivez tout de suite. Vous ne pourrez pas vivre tout de suite longtemps parce que vous êtes mémoriellement habitué à vivre dans le monde des mémoires, dans le monde du passé. Comment distinguer la conscience individuelle, collective, égoïque? Donc, celui qui pense qui est individuel. Celui qui veut montrer aux autres qui est individuel. Celui qui va s'habiller en fonction de ce que les autres vont penser de lui. Il croit être individuel. Celui qui, à un moment donné, décide, bon, moi, je veux être individuel, je me promène maintenant toujours avec un gros nain en plastique vert. Là, comme ça, je suis individuel. Non, il a besoin que les autres sachent. Il est collectif. Il ne le sait pas, il est collectif quand même. Moi, je vais me suicider d'une façon nouvelle. Eh oui, mais t'es collectif pareil. Ça change rien. Je vais me bâtir une maison, là, tout à fait différente. Tu sais, je veux avoir une maison que personne n'a. Que personne n'a. Tu es collectif. Je veux avoir une maison qui va fitter avec mon énergie. Tu es individuel. Alors, tu rentres, ah ben, cette maison-là, là, c'est merveilleux. Tout le monde en a des pareils. Je m'en fous. Je dors bien dedans, je mange bien dedans, je digère bien dedans. Je m'engueule plus dedans, je me sens bien dedans. Que tout le monde en ait une, ça n'a aucune importance. Je suis individuel. Alors, ce n'est pas la forme. On ne dit pas, tiens, il vit dans une maison comme tout le monde. Je pensais qu'il était individuel, il est collectif. Non, rien à voir. Sentez-vous bien, vous, dans vous, et sachez à partir de vous si vous vous sentez bien. Demandez pas à un autre. Penses-tu que je fais le mieux? Penses-tu que j'ai évolué? J'ai évolué, hein, depuis un bout de temps. Êtes-vous capable de le savoir de par vous? Non? Ben, demandez pas aux autres, ils savent pas pour eux autres. Ils sauront pas pour vous. La marginalité, ben c'est ça, être marginal. Quelqu'un qui veut être marginal et collectif. Quelqu'un qui, ça se trouve, devient marginal et souvent individuel. Non-conformiste, c'est quoi être non-conformiste? Tu portes des choses qui te vont. Quand ça te va pas, t'y mets plus. Tu vas dans des parties qui te vont. Quand ils te vont pas, t'y vas plus. Mais on se fait toujours têter par les parties. Quand c'est pas nous autres qui têtons le voisin pour qu'il vienne, ben c'est le voisin qui nous tête pour qu'on y aille. Alors, c'est collectif. Faut-il faire un ménage complet pour être soi? Faut juste être soi. Comment devenir vivant? Bien, en étant vivant, instantané. Alors, est-ce qu'il faut tuer la mort pour être vivant? Non, cesse d'être mort. Tu vas être vivant. C'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas une seule énergie dans toute la création qui a la faculté d'être morte. Il y a juste l'homme qui arrive, par un degré incroyable d'évolution, à pouvoir vivre dans le monde des morts autant que dans le monde des vivants. Alors, quand il y a un problème, ben il sort son jeu de machin chouette, puis là, il communique avec les esprits qui sont morts pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire. Parce que la personne qui est morte, elle sait bien plus. Quand elle était vivante, elle était conne, mais maintenant qu'elle est morte, elle doit le savoir. Elle est morte. Alors, il y a juste l'homme qui arrive à vouloir entrer en communication. Certaines personnes vont dire, voyons donc, parler avec les morts. C'est quoi un mort? Ben, c'est un phénomène mémoriel, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est plus vivant. C'est quoi une tradition? Ben, c'est ce que toutes les morts de le vivant ont laissé. C'est pas plus vivant. Ça vit plus. Mettez du ketchup sur un livre traditionnel. Il ne boira pas. Ça vit pas. Attaquer la tradition, elle se défendra jamais. Mais la tradition, elle est égrégoriennement mémorisée. Elle fait partie de la mécanicité qui régit l'homme collectif. Comment la tradition va se défendre? Par la bouche de ceux qui sont collectifs dans cette tradition. Ce qui m'a fait prendre conscience quand j'étais jeune, que crime, Dieu pas l'air être puissant. Il n'arrive pas à se défendre lui-même quand j'y parle. C'est toujours mes parents ou mes frères et sœurs ou mes amis qui viennent le défendre. Mais j'ai pris conscience que Dieu était au-delà de cette puissance. Dieu n'a pas besoin de venir se défendre. Il ne se sentait pas frustré, lui. Tandis que les humains traditionnels, eux, se sentaient frustrés. Si je dis à un prêtre, non, je ne crois pas en Dieu, ça le frustre. Mais si Dieu est tel que le prêtre le dit, ben Dieu est patient, ça ne le dérange pas. Lorsque l'homme est ignorant et que l'homme ne voit pas, la lumière n'a pas à être frustrée parce que l'aveugle ne la voit pas. Si la lumière est capable de pardonner à l'aveugle de ne pas la voir, Dieu devrait être capable de pardonner à l'homme d'hésiter. Comme ça. Tandis que tous ceux qui voient vont venir attaquer l'aveugle parce qu'ils refusent de voir la lumière. Ils refusent de croire la lumière. La lumière n'est pas frustrée. L'homme est frustré. Il est collectif. Est-ce que la conscience collective n'est-elle pas issue de l'inconscience collective? C'est la même chose. Et des archétypes. C'est la même chose. L'homme a une faculté assez originale de placer des mots pour désigner la même chose. Lorsqu'il ne faut pas, et de prendre un mot pour désigner pas quatre choses, quand là, il faudrait qu'il mette plusieurs mots. Alors, il y a le surconscient, l'inconscient, le subconscient, le conscient. Ça définit bien des choses pour lui. C'est la même chose. Par contre, il y a Dieu. Alors, Dieu, ça définit l'univers, ça définit l'énergie, ça définit la planète, ça définit l'homme, ça définit bien les affaires. Là, ce serait temps qu'il mette différents mots. Est-ce que la conscience collective est issue de l'inconscience collective et des archétypes? La conscience collective, c'est quoi? C'est le barème sur lequel l'humain normal se pose pour pouvoir essayer de se comprendre. Ça, c'est la conscience collective. Tout le monde... Je vais donner un exemple. Lorsque je demande à l'humain, c'est quoi les grosses questions que tu te poses? Alors, il me donne deux, trois questions qui se posent. Et puis, si je fais un sondage, je me rends compte que tout le monde se pose les mêmes questions. C'est ça, la conscience collective. Tout le monde se pose les mêmes questions. Le monde est collectif. Alors, je sais très bien que si je donne des réponses qui vont satisfaire certains, il y a de fortes chances que si j'écris un livre avec ces réponses-là, moi, satisfaire tout le monde. Ils se posent toutes la même question. Alors, on va dire, oui, mais c'est normal qu'on se pose la même question. C'est faux. Parce que selon les pays, selon les éducations, selon les religions, selon les consciences collectives, on aura des mêmes questions différentes selon les consciences collectives. Alors, ce qui fait que l'être humain se pose des questions collectives, il pose les mêmes questions. Alors, c'est de l'inconscience. Qu'est-ce que c'est que l'inconscience? C'est tout le conscient que vous n'avez pas votre conscience. C'est le conscient que vous ne conscientisez pas. Est-ce que vous ne voyez pas? On appelle ça de l'inconscience. Alors, est-ce que la conscience collective, c'est quoi la conscience collective? C'est ça. C'est le barème qui gère votre conscience. Regardez ce verre. Il est donc conscient chez vous. Regardez maintenant ce papier. Est-ce que le verre fait partie de votre inconscience? Pourtant, il n'est plus à votre champ visuel. Il fait quand même partie de la matière réelle, mais qui n'est pas perçue par votre conscience. Et maintenant, le verre revient à votre conscience, et puis le papier. La conscience et l'inconscience de l'homme, ça se promène comme ça. Quand je parle de cheval, ben, l'inconscient cheval devient conscient chez vous. Et c'est ça qui fait que l'être humain est manipulé. L'être humain est manipulé par son inconscience, par sa surconscience, par son subconscient et par sa conscience. L'être humain est collectif. Tout ce qui détermine ce qu'un être humain dans une société va faire est déterminé par les autres. Ça, être collectif. Les mots, ouais, mais ça se fait pas. Mais non, si ça se fait, ça se fait. Tu peux pas dire que ça se fait pas quand ça se fait. Tu peux pas dire à un jeune de pas se fouiller dans le nez devant sa tante. Ça se fait pas devant ma tante. Mais oui, alors, ça se fait, gars! Oui, c'est facile, non? Oui, mais c'est le même phénomène pour n'importe quoi. Ça se fait-tu de douter de Dieu? Ah non, à un moment donné, ça se fait plus. Est-ce que ça se fait depuis aller à l'église? Pour certains, ça se fait pas. Est-ce que ça se fait, à un moment donné, de décider qu'on va être soi quitte à se tromper? Pour beaucoup, ça se fait pas. Oui, ah non, crime, l'opinion des autres est quand même importante. Ils n'ont pas d'opinion, les autres! Ils l'ont dit de prix, ces autres! Puis tout le monde l'a pris un sur l'autre. Moi, je dis quelque chose, je dis Dieu est tout puissant. L'autre, ah, il dit à l'autre. Après 6 millions de personnes, j'apprends qu'il y a une nouvelle secte qui vient de sortir. Dieu, c'est rien. Mais c'est parti de moi quand j'ai dit au gars que Dieu était tout puissant. Mais lui, Dieu est puissant. Ah, Dieu est de la puissance. Ah, Dieu est un peu puissant. Puis à un moment donné, ça part une secte. Puis là, je suis contre la secte, mais c'est moi qui l'appartiens en parlant à lui. C'est ça, la conscience collective. Alors à un moment donné, je me dis, crime, peut-être la secte a raison. Fait que moi, allez voir ce qui se passe là. Puis là, ils m'apprennent des choses. Ben oui, mais eux autres, ils l'ont appris de moi. Puis moi, je l'apprends d'eux autres. C'est ça, la conscience collective. C'est ça, la conscience collective. Pourquoi lui dire que Dieu est tout puissant? Il n'y a rien à foutre avec ça. Si je le vis, ça va. S'il m'embête, je vais y dire. Mais pourquoi faire du porte-à-porte pour aller chercher? Pourquoi on fait du porte-à-porte? Pour convertir. Pourquoi on a besoin de convertir? Dans un égrégore national, dans un égrégore politique, dans un égrégore religieux. Pourquoi faut convertir? Simplement parce qu'on a besoin d'amener de la nourriture fraîche à l'égrégore. Plus il y aura de fidèles, plus ça va tenir. Dans n'importe quel système égrégorien. Dans tout ce qui est collectif. La gang est petite, elle peut se dissoudre. Plus la gang est grosse, plus ça va se tenir. Oui, parce qu'on nourrit les grégores qui manipulent la gang, la collectivité. Ah, oh, ça marche. Mais celui qui rentre, regardez les motards, il y a un baptême. On peut lire les journaux. Daniel Bolduc, il est motard. Daniel Toto Bolduc. Ou Daniel Tigus Bolduc. Ah, il y a un baptême. Parce que sinon, il reste trop sociétaire. On est inconsciemment, on n'est pas convaincu, on n'a pas le feeling, le gars fait partie de la gang. Alors on le baptise. Puis on l'appelle par ce nom-là. Alors il y a son nom civil. Faut pas qu'on le reconnaisse, motard. Daniel Bolduc. Puis il y a son nom de gang, il y a son nom de gang. Tigus. Faut pas qu'on le reconnaisse civil. C'est le collectiviste. Comment apprendre à être soi-même à travers la conscience collective et ses traditions? J'imagine qu'il n'y a pas d'évolution sans souffrance, et la souffrance est-elle nécessaire? La personne n'imagine pas qu'il n'y a pas d'évolution sans souffrance. Ça, c'est relié à la conscience collective. C'est ce qu'elle a appris tout le temps et c'est ce qu'elle a toujours entendu dire. Comment apprendre à être soi-même? On ne peut pas apprendre à être soi-même. Si je vous montre à être vous-même, ben vous allez être moi-même. Et pensez-y deux minutes. Je suis le maître et je vais vous montrer comment devenir pur et parfait, c'est-à-dire comme moi. C'est ça qui se passe partout sur la planète. Les gourous font ça, les maîtres font ça, les vichous font ça, et toute la gang font ça. C'est bon qu'ils le fassent, parce qu'ils prennent des humains pas mal plus bas, et puis ils les montent à leur niveau. Comme eux. Ce qui est bon. Ce qui est très bon. Mais à un moment donné, ceux qui ont été montés là, faut aussi qu'ils partent de leurs propres ailes. Et là, si le maître veut les conserver parce que ceux-là le nourrissent, hein, il dort en disant « Crime, ils sont 3000 à penser à moi ». Ça dort bien en maudit. Le maître peut vivre longtemps. Le maître vieillit pas trop. Le maître a de l'énergie. Les fidèles lui en donnent. Comment apprendre à être soi-même? Par vous-même. Vous allez apprendre à être vous-même. Moi, je ne peux pas vous montrer à être vous-même. Je peux parler de la conscience collective. Je peux parler des manipulations planétaires de qui nuisent à l'homme et qui l'ont supporté et qui en supportent encore un bon paquet. Je peux parler cosmiquement de ce qui se passe au niveau d'évolution. Je peux vous amener de l'information. Je peux amener beaucoup d'énergie. Je peux brasser la cage thoracique de l'ego évolutif. Je peux amener de nouvelles formes. Je peux ouvrir de nouvelles portes dans la conscience. Je peux ajuster certains individus à finir par entrer dans leur propre intelligence. Je peux faire des choses comme ça. Mais je ne peux pas vous montrer à devenir vous-même. C'est votre travail. Faites-en un peu. Comment apprendre à être soi-même? À traverser la conscience collective et ses traditions. Comment apprendre à traverser la conscience collective? Premièrement, être planté dans une conscience collective. D'où l'intelligence, la conscience collective. Comment maintenant apprendre à être individuel? Apprenez le pas. Faites-le. Comment apprendre à être heureux? On en vend des cours pour ça. Un jour ici, moi, j'ai donné des séminaires sur l'organisation. On peut montrer à l'être humain s'organiser. Et s'il s'organise, il va finir par... On peut pas lui montrer être heureux. On peut montrer à l'être humain devenir son seul maître par certaines techniques tout à fait nouvelles qui n'ont jamais existé sur la planète. Mais il faudra que lui fasse la job. Regardez au niveau du PMC. Ça marche à un point tel que même celui qui a de l'ego, celui qui a de l'orgueil, celui qui est vaniteux, par les techniques, arrive quand même au contact avec son ajusteur de pensée. Ce qui est dangereux pour l'évolution de l'ensemble. Mais ce n'est lui, il arrive quand même. Pourquoi? Parce que ce que moi je peux donner à l'humain, c'est une technique qui marche. Je ne donne pas l'évolution à l'humain. Je ne peux pas donner l'évolution à l'humain. C'est-à-dire que je ne peux pas donner les résultats de l'évolution à l'humain. Je peux peut-être créer des techniques pour que certains humains puissent, dans la technique, arriver quelque part. Comme un jour, je vais dire à mes grands amis, enfin, on a inventé le yoga, il y a quelques milliers d'années, et on a inventé le yoga qui était une technique qui ne donnait pas l'évolution, qui ne donnait pas les symptômes de l'évolution en personne, mais qui donnait par contre un paramètre qui permettait à certaines personnes qui avaient des corps massifs et bruts de pouvoir arriver à lentement par la pratique contrôlée de certains mouvements et par certaines formes de respiration à raffiner leur corps physique et à engendrer des descendants plus raffinés, ce qui a donné l'humain d'aujourd'hui. Mais le yoga ne donnait pas les symptômes de l'évolution à l'humain. Il y en a qui se font crucifier et deviennent pas nazaréens. Lui s'est fait crucifier, ça donnait. Alors, au niveau, par exemple, du programme Maître Contrôleur, c'est une technique qui permet à certains humains de pouvoir se cadrer dans quelque chose. Mais le résultat, ça dépend de vous. On ne peut pas vous apprendre à être vous autres. On peut peut-être expliquer par une technicalité les choses qui nuisent, les choses qui peuvent aider. Mais il faut maintenant que la personne chemine à l'intérieur de ça. Je ne peux pas apprendre à quelqu'un à être lui-même, parce qu'il va apprendre à être moi-même. Et j'ai déjà suffisamment à me supporter moi, sans avoir à supporter tous ceux qui vont me copier. La famille est issue directement de la tradition. Comment la resituer à sa juste place tout en lui accordant l'importance qui lui revient sans tomber dans l'outrance? Il y a une question fondamentale qui se pose. Les conférences sont faites de façon à avoir une suite plus ou moins logique. La conférence de vendredi prochain, c'est pourquoi être son seul maître? C'est la suite logique de la conscience collective. À quoi ça va servir d'être décollectivisé? La famille est issue directement de la tradition. Ça va de soi. Pour la simple raison que la famille, on a eu les blasons familiaux, n'est-ce pas, qu'on échangeait de père en fils. On a le nom, qui reste le dernier symptôme du blason familial. Vous gardez le nom. Aujourd'hui, l'humanité évolue, l'humanité nord-planétaire, enfin la nôtre. Ou maintenant, la femme peut maintenant donner son nom aux enfants, ou le mari peut le faire, mais on a le choix. Tandis qu'avant, c'était la lignée masculine, symbole du patriarcat, où le père donnait le nom familial à l'enfant. Alors, on a eu différents films. Tu es un Kemp, alors tu devrais faire ceci. Ça, la lignée familiale. Alors, la tradition, premièrement, une forme de collectivisation, c'est la génétique. Ta grand-mère était cardiaque, ton arrière-grand-mère était cardiaque, ta mère est cardiaque, ma pauvre petite est cardiaque, tout. Bon. Oui, mais j'aimerais ça avoir un corps à moi neuf qui n'est pas coloré de la génétique collective de ma famille. Il y a une solution. Arrive à opérer une mutation de ton corps et tu seras des assujettis de la collectivisation de ta famille. Alors, évidemment, le médecin qui dit ça à la patiente ou au patient, on va changer d'hôpital ou de médecin. Tu sais, il m'a dit, pour pas être cardiaque, il m'a dit mute. Plug-toi puis mute. Alors, tu ouvres un livre qui parle de la mutation, ça commence. Toute mutation aujourd'hui ne peut faire autrement que d'être négative. Alors, tu te dis, si j'ai pas le cancer du cœur, enfin, si j'ai pas de problème cardiaque, je vais peut-être mourir de folie si je mute. Il va peut-être me sortir un troisième bras. Comment restituer à sa juste place tout en accordant l'importance qui lui revient à la famille? La famille est la base sur laquelle vous allez vous asseoir et vous êtes assis pour pouvoir maintenant devenir l'adulte que vous êtes. Et engendrant des enfants, les enfants vont donc s'embarquer sur la famille. C'est pourquoi vous allez léguer héréditairement la matière aux enfants. Donc, à un moment donné, ils pourront s'asseoir sur ce que les parents ont laissé. Génétiquement, si vous avez un corps physique plus évolué, mélangé avec votre femme ou votre mari, vous allez léguer à vos enfants une génétique maintenant qui va s'asseoir sur la vôtre, normalement plus évoluée. Donc, l'enfant sera assujetti à vous, tant par le phénomène social, hein, les enfants des premiers ministres, veut pas, même s'ils ne sont jamais premiers ministres, restent toujours assujettis ou non, à la lignée familiale. Donc, les parents partant laissent aux enfants déjà là la tradition sociale qui les rend collectifs avec la lignée familiale. Ça peut être extrêmement intéressant pour quelqu'un qui a une bonne lignée familiale. Ça peut être extrêmement déplaisant pour celui qui n'en a pas une. Vous savez, ça fait 8 Jack l'Éventreur qui passent dans votre famille. Bon. Alors, à un moment donné, vous demandez si vous devez apprendre à jouer du couteau, vous aussi, ou à évoluer puis à prendre un revolver. Ou une scie mécanique, à un moment donné. Hein? Les films évoluent. De Jack l'Éventreur, on est passé à Massacre à la scie. Oui. Ben, vite, c'était au laser, ou je ne sais pas encore à quoi. Bon. Alors, de quelle façon? Ben, effectivement, j'expliquais il n'y a pas tellement longtemps que lorsque l'humain se conscientisait, il y a des mécanismes qui se passent chez lui, au niveau biologique. Alors, l'humain va voir le médecin, puis il va lui dire, « Oui, mais j'ai telle chose. » Le médecin fait tous les tests, puis il n'y a rien. Alors, il va lui donner des placebos, des médicaments de sucre parce qu'il pense que c'est psychosomatique. J'ai des problèmes, à un moment donné, j'ai des douleurs cardiaques. Tu fais un électrocardiogramme, vous n'avez rien. Oui, mais je suis pas fou, je suis pas folle. Et le médecin n'en doute pas que vous êtes pas fou ou pas folle. Mais il vous donne quand même des petits sucres. Ou vous envoie voir d'autres spécialistes, en espérant qu'à un moment donné, il y a une machine qui va finir par détecter. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe simplement qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas de pathologie réelle au niveau biologique ou organique, mais qui ont quand même des symptômes pour la simple région que le cerveau est en mutation. On a fait des expériences. Vous voyez, moi, je peux vous parler de ça comme ça. Les médecins vont le découvrir à un moment donné. Par contre, je vais vous faire référence à ce, il y a des, bon, à certaines choses que les médecins ont déjà faites. Les médecins qui sauvent l'humanité de plusieurs maux ont un jour tenté cette expérience de piquer des aiguilles dans la tête de certaines personnes. C'était pour la science, pour les statistiques. Alors, ils se sont rendus compte que lorsqu'ils ont planté une aiguille quelque part, la personne, le patient, disait « Tiens, vous mettez de la glace sous mon genou. Oh, ça gèle, ôtez la glace. » Alors, on retirait l'aiguille. « Ah, merci. Ah, tiens, là, ça goûte sucré. » Oui, alors on piquait ailleurs, ça goûtait amer. Alors, on a essayé à partir de là de déterminer certaines zones réflexogènes, sensitives du cerveau. Et là, on a dit, bon, la partie d'ici, c'est pour les yeux, la partie de là, c'est telle chose, telle chose. Et encore là, on s'est rendu compte que, merde, chez les humains, si on essaye ça chez les enfants maintenant, on dirait que les zones se déplacent. On n'arrive pas à trouver la zone. On a une idée, lorsque c'est beaucoup mécanique, mais psychologique ou mental, ça a l'air d'être pas mal diffus. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que lorsque l'être humain se conscientise, ce que la majorité vous faites, ben, il va se passer des choses. Dans votre tête, votre cerveau va vivre une mutation. C'est-à-dire que neurologiquement, il y a des choses qui vont se reprogrammer. Alors, il y aura des pertes de mémoire, il y aura d'autres choses. Il y aura simplement ceci qu'à un moment donné, vous allez sentir une douleur, puis elle part. C'est suspect, c'est bizarre. Il ne s'est rien passé. Le cerveau a enregistré une douleur qui n'existait pas au niveau corporel, tandis que les machines que l'homme emploie essaient de détecter ce qui se passe là. À un moment donné, la personne, elle a des sensations de chaleur. Elle prend sa température, il n'y a pas de chaleur. Le cerveau enregistre des choses. À un moment donné, la personne peut commencer à accélérer son rythme respiratoire. Oui, il n'y a pas de problème, on ne trouve pas. Le cerveau enregistre des choses. La grande majorité de tout ce qui existe au niveau tensif, circulatoire du cœur, du corps, des vaisseaux, tout ce qui génère l'hypertension ou l'hypotension chez les personnes, est toujours régi par une malle, par la perception fautive d'une région du cerveau, d'une baisse de tension, ce qui va automatiquement obliger le corps à augmenter sa tension artérielle, alors qu'il n'y a pas de raison. La personne souffre donc d'autres tensions. Alors, les médecins vont essayer de trouver, vont mettre des médicaments, vont faire ceci, faire cela, ça ne donne presque rien. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a qu'une mutation trop lente. Une mutation trop lente du cerveau qui finit par stagner, par mémoriser la captation malsaine d'une région particulière du corps et automatiquement oblige le corps à réagir en fonction. Et on pourrait parler d'une panoplie de maladies, justement, qui ne sont pas psychosomatiques, mais qui sont simplement une réaction réflexe du cerveau sur une détection qu'il fait d'un malaise corporel, malaise qui n'existe pas. On pourrait en parler beaucoup. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement qu'il y a une mutation neurologique. La mutation, elle oblige donc l'homme à changer. Et l'homme changeant, l'homme devient neuf. Les médecins fouillant dans leur tradition, dans leur mémoire, ne peuvent plus cerner l'humain. Et l'humain change de plus en plus. La famille, c'est le même phénomène. Lorsqu'un médecin dirait à la personne « mute », ben vous mutez. À un moment donné, faites ceci, les parents, qui ont des enfants pas trop vieux. À qui ils ressemblent? Est-ce qu'il ressemble beaucoup au grand-père ou à la grand-mère? Peut-être un peu physiquement par la face, le nez, les yeux. À qui il ressemble le plus? Et observez-les évoluant, vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'on dirait qu'il est dans les ancêtres, et c'est pourquoi les parents sont toujours à un moment donné en train de dire « dans mon temps ». Non, les enfants se dissocient de plus en plus rapidement des parents, et c'est tout à fait normal. Ce qui fait qu'ils vont vouloir quitter la maison plus rapidement, parce que les parents les forcent à être collectifs. Il y a plusieurs symptômes de cette mutation, donc de cette libération génétique de l'homme. Alors, est-ce que ta mère était cardiaque? Oui, docteur, mais ça n'a rien à foutre. Mon cœur n'a rien à voir avec ma mère. Là, c'est le médecin qui va vous envoyer dans l'hôpital. Qu'entends-tu par évoluer rapidement? Évoluer rapidement, j'entends simplement par différence de potentiel d'observation par rapport à ce que l'être humain fait, par rapport à ce qu'il va faire, on parle d'évoluer rapidement. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas évoluer rapidement, on ne peut pas évoluer lentement, on ne peut évoluer qu'au rythme où on évolue. Sauf que lorsque l'être humain... Regardez, à un moment donné, on me demandait, oui, mais comme pour le PMC. Moi, je réponds non. Seules les personnes prêtes le font. Alors la personne, elle dit, ah bon, je comprends bien, moi, je ne suis pas assez évolué pour faire le PMC. Ça n'a rien à voir. Je parle prête. Ceux qui, à un moment donné, sont à un niveau où d'instinct normal, facile, ça vient, c'est correct. Ceux qui ça mijote dans la tête depuis un bout de temps. Ceux qui, à un moment donné, ça devient normal. Ils vont évoluer plus rapidement que ce qu'ils faisaient avant. Sauf qu'ils n'ont pas le choix de faire le PMC. Le PMC n'avait pas le choix d'être inventé à un moment donné. Parce que ce n'est pas régi par nous autres, l'invention. Pourquoi un jour je peux structurer un programme être contrôleur? Bien, pour la simple raison que c'est le temps. Si je serais venu au monde 20 ans en arrière, je n'aurais pas structuré le même programme au même âge que j'avais. Donc, à l'époque, 300 ans, je n'aurais jamais inventé le PMC. Pas parce que j'aurais dit, tiens, ça serait brillant, mais c'est pas le temps. Non, parce que simplement, ça ne me serait jamais venu l'idée. Ça ne me serait pas venu l'idée, parce que c'était pas le temps. La personne qui évolue rapidement, qu'elle rentre dans n'importe quoi ou qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, qu'elle achète tel livre. Elle prend un livre, ça a changé ma vie. Absolument pas. T'as acheté ce livre-là quand c'est le temps que tu l'achètes. À partir de ce moment-là, je me suis... Non, t'as continué à ton rythme. Mais par rapport à ce que tu conscientisais avant, t'as l'impression d'aller mauditement plus vite. Alors, lorsque je disais évoluer plus rapidement, c'était par comparaison. Évidemment, vous évoluez à votre rythme. Quelqu'un qui fait le PMC ne va pas plus vite. Quelqu'un qui ne le fait pas ne va pas plus vite. Celui qui a à le faire, le fait. Celui qui n'a pas à le faire, ne le fait pas. Et les choses sont ce qu'elles sont. Dire ce qu'on a envie de dire en essayant de l'exprimer le plus fidèlement possible risque parfois de friser le manque de diplomatie. Dois-je continuer ce comportement puisque ça me semble être soi? Par contre, ça m'attire assez souvent de sérieux problèmes. Je le répète pas assez souvent, mais ce soir je vais le prononcer, je le répéterai pas. C'est que l'évolution, ça se doit d'être facile, non souffrante. La personne qui manque de diplomatie, qui s'attire certains problèmes régulièrement, elle n'est pas elle. Elle est collective. Elle lutte contre l'extérieur plutôt que de manipuler l'extérieur, donc de devenir diplomate. Lorsque moi, on me pose des questions, je pourrais répondre ce qui me vient à l'idée. Mais je vois bien que ça n'a pas de sens à un moment donné. Alors, ce qui fait que je réponds, ce qui va avoir du sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer. Je suis mon seul maître. Être son seul maître, est-ce que ça veut dire que je m'en vais chez McDonald's? Et puis là, je commande... Je vais prendre un steak saignant médium. La personne n'a pas compris. Elle dit, voulez-vous des frites avec ça? Et puis, non, là, je ne suis pas mon seul maître. Je suis une risée collective. Alors, ce qui est être son seul maître, c'est quoi être son seul maître? Ben, c'est d'arriver à être individuel dans sa conscience. Cela veut dire que si j'ai faim et que je calcule que telle chose serait correcte, je vais le faire. Je ne mourrai pas de faim un jour parce que je suis végétarien. Si je suis en train de crever de faim et qu'il y a une vache qui passe en avant de moi, que je sois aux Indes ou n'importe où ailleurs, je vais bouffer la vache. Parce que j'en conçois l'intelligence. Lorsque je m'en vais quelque part, si les personnes ne sont pas ajustées, si les personnes font ce qu'elles font, ben moi, je m'ajuste à eux. Si on me dit, sors, on veut pas te voir, ben je sors. Est-ce que je me sens frustré? Si je me sens frustré, c'est que je n'étais pas mon seul maître. Pourquoi? Parce que ce qu'eux autres ont déterminé comme relation détermine ce que moi je vais vivre psychologiquement comme relation. Je ne suis pas mon seul maître. Si je décide, crème, je vais résister, hein, je suis mon seul maître, moi, l'aurait, ouais. Non. Pourquoi? Parce que je mets de l'énergie maintenant à parler à des gens qui, comme tel, ces autres qui déterminent que je mette mon temps. Alors non. Si je dois rester parce qu'il y a une raison intelligente, je m'organise pour rester. Sinon, je m'en vais. Pourquoi je resterais ou pourquoi j'aurais des problèmes diplomatiques? On chiale après les nos diplomates. On n'est pas capable parce qu'ils ne règlent pas les problèmes diplomatiques entre les pays, puis on n'est pas capable de régler le problème diplomatique au travail. Alors la personne, elle doit donc apprendre à s'ajuster aux autres. Ce n'est pas de dire ce qui nous passe par la tête. Ce qui nous passe par la tête, c'est souvent un paquet de cochonneries. Lorsqu'on n'a pas à parler, on ne parle pas. Lorsqu'on a à parler, on parle. Pourquoi on parle? Parce que c'est utile de parler. Si ce n'est pas utile, apprenez à vous taire. On reste individuel. On n'est pas individuel quand on dit ce qui nous passe par la tête. Il y a un paquet de personnes qui sortent dans la rue, à un moment donné, avec le pancarte, ils disent tout ce qui se passe par la tête, là, tu sais. Ils sont individuels, ils ont décidé qu'ils changeraient tout. Ouais, mais élimine tout le monde, puis les uns avec une. Tu vois qu'elles vont rentrer vite chez elles. Oui! Je suis contre l'avortement, je suis pour l'avortement, clair tout le monde, je suis pour rentrer chez moi. Libération de la femme, tu es seul dans la rue, tu ne libères pas longtemps, tu rentres chez vous. C'est ça, collectif. On en revient toujours à l'idée fondamentale, et c'est important. Si la conférence de ce soir a terni un peu votre joie, peut-être pas. La question fondamentale qui suit, c'est pourquoi? J'ai expliqué un peu tout à l'heure, dans la conférence, pourquoi on a invité le collectif. Pourquoi être son seul maître? Pourquoi un jour devons-nous arriver à nous supporter, à être un avion indépendant et non pas une flotte d'avions qui ne peuvent pas voler autrement que s'ils ont les ailes soudées ensemble? Pourquoi devons-nous arriver? Pourquoi est-ce fondamental cosmiquement dans l'évolution, quelle que soit la religion, l'ethnie ou l'éducation de l'individu? Pourquoi chacun d'entre vous doit-il un jour arriver à être son seul maître? Pas être le boss de Dieu. Être son seul maître sur le plan planétaire. Être celui qui va déterminer ce qui va se passer chez lui plutôt que de toujours être manipulé par la conscience collective. Je crois que vous savez suffisamment ce qu'est la conscience collective. On l'a vu d'une façon cosmique et d'une façon humaine. La semaine prochaine, c'est pourquoi être son seul maître. Il y a une raison cosmique évolutive fondamentale pourquoi moi je ne veux pas enseigner à quelqu'un à devenir lui. Pourquoi vous devez vous apprendre et pourquoi vous devez vous supporter. Il y a une raison cosmique évolutive qui est plus importante que tout ce qui traditionnellement a été mené par le passé. Vous devez devenir des hommes debout. Certains vont dire des dieux, je m'en fous. Vous devez devenir vos seuls maîtres. C'est primordial. Si ça vous intéresse de poursuivre, ça sera donc vendredi prochain.